Audiomatic. Et si jamais il s'agissait de la dernière fois? Si on ne pouvait plus rien prendre pour acquis et que la prétention de se savoir vivre jusqu'à la prochaine inspiration laissait place à la certitude que la fin sera permanente et sans appel? Il y aurait probablement quand même un début pour souligner adéquatement le point de départ de ce qui ne sera plus, comme par exemple si on disait qu'Audiomatic en est à sa transmission 183. Il ne serait pas nécessaire d'insister sur la finalité puisqu'il y a un temps pour chaque chose et que tant que la conclusion n'a pas été menée à terme, il est inutile d'ignorer ce qui nous mènera à elle. Il faudrait donc mettre l'emphase, par exemple, sur le fait que nous avons entendu en introduction le groupe new-yorkais Sonic Youth et sa composition « Side to Side ». On pourrait même en rajouter en mentionnant que cette chanson est tirée de leur album New York City Ghosts and Flowers. Et le reste serait comme si de rien n'était, si jamais il s'agissait de la dernière fois, bien sûr. Les sons se fragmentent, les rythmes se recomposent, les mélodies émergent, les chants et les voix se croisent, et au bout de ce processus créatif se dévoile une pièce de musique électronique unique. Una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. à Audiomatique, la séquence musicale se terminait sur la musique du projet brésilien Nacho Libre et sa pièce Astronauta Azul qu'on peut retrouver sur la compilation Moody Vagante de l'étiquette Tropical Twista Records. Avant, c'était une pièce de Loop Guru, à savoir Skin Heaven, tirée de l'album Loop Bites Dog, paru en 1997. Et en début de séquence, la formation péruvienne Elegante y la Imperial nous offrait la pièce titre de son premier et unique album El Sonido de las Lobas. À Audiomatique, nous nous sommes dit qu'il était grand temps de les inclure à notre programmation et nous avons nommé les Beastie Boys. Stop! Keep me alive. Colors I want to hold in my hand. Colors are where my old makes new. Colors are where my brain finds glue. anglais Hot Chip nous offrait leur chanson Colors, remixée ici par The DFA, c'est-à-dire par James Murphy et Tim Goldsworthy, les deux fondateurs de l'étiquette de disque DFA Records. Est-il nécessaire de rappeler que James Murphy est le leader de LCD Sound System, tandis que Tim Goldsworthy est le cofondateur de la compagnie Mowax et a travaillé entre autres avec Uncle, Massive Attack, The Rapture et Cut Copy. Mais pour en revenir à Hot Chip, mentionnons que la version originale de la chanson Colors est parue sur leur deuxième album The Warning et que le DFA Remix que l'on vous a présenté se retrouve sur au moins 5 versions différentes du maxi Colors, également sur l'album The DFA Remixes Chapter 2 et sur l'album The Hot Chip Remixes and Rarities. Précédemment à Hot Chip, il s'agissait de Ursula 1000, le pseudonyme d'Alex Crimeno, de qui on entendait la chanson Electric Boogie, remixée par le duo Product 01. Cette version apparaît sur l'album Undressed Remixed. Et pour débuter, on avait droit aux Beastie Boys et la pièce Car Thief de leur album classique Paul's Boutique, paru en 1989. Malheureusement, après la mort d'Adam Yoke en 2012, le groupe a décidé de cesser ses activités en 2014. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec une version que nous offre le projet Stendek de la pièce Waiting for Gyra, originalement composée par Adversary. On pourrait presque dire que la pièce que nous venons d'entendre est issue des idées de trois projets musicaux puisqu'il s'agissait de la pièce According to Plan composée originalement conjointement par les projets Lucid Static et ESA, mais dans une version remixée que nous offre le projet R.R.O.O. Cette pièce se retrouve sur l'album Otherwhere Remixes de R.R.O.O. qui se veut une anthologie de remix effectuée par ce dernier pour différents projets et formations musicales entre 2011 et 2014. Et avant cela, c'était une pièce du projet Adversary, à savoir Waiting for Gyra, dans une version remixée par Stendek. Celle-ci se trouve sur l'album d'Adversary intitulé A Bright Cut Across Velvet Sky. Si jamais il s'agissait de la dernière fois, le moment serait venu de vous faire nos adieux, de vous marteler que toute bonne chose a une fin. Mais nous n'en ferons rien, nous vous assurerons plutôt que la fin sera bonne. Il est vrai que tous les goûts sont dans la nature, mais il nous semble assez difficile de rester insensible face à la pièce « Ill Wind » que nous interprétera Radiohead pour clore cette transmission 183. Cette chanson est disponible sur le coffret vinyle CD de l'album A Moon-Shaped Pool. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 184 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Radiohead et leur chanson Hill Wind. C'était Audiomatic avec les électronistes.